Glenarvan ne se faisait cependant pas illusion sur le sort qui lui était réservé. Sa mort pouvait seule payer le meurtre d'un chef. Quelle nuit ses compagnons et lui passèrent, d'autant que le pauvre Robert et le brave Paganel avaient disparu. Le matin du 13 février arriva. La journée se passa sans apporter ni un changement ni un espoir. Cependant, le major conservait une lueur d'espérance. Qui sait, disait-il, en reprenant à Glenarvan l'effet produit sur le chef par la mort de Kara Tété, qui sait si Kai-Koumou, au fond, ne se sent pas votre obligé? Le lendemain s'écoula encore sans que les apprêts du supplice furent faits. Les Maoris croient que l'âme, pendant les 3 jours qui suivent la mort, habite le corps du défunt. Donc, jusqu'au 15 février, le pas demeura désert. Mais le 3e jour, les huttes s'ouvrirent. Kai-Koumou sortit de sa case et, entouré de ses principaux chefs de la tribu, il prit place sur un tertre élevé de quelques pieds au centre du retranchement. Sur un signe de Kai-Koumou, les captifs furent entraînés vers lui. « Tous, s'écria Kai-Koumou, vous mourrez demain au lever du jour. » Les captifs ne furent pas reconduits au lieu sacré.